Vous suivez la radio Isanganiro, voici le sommaire de ce journal. Alors que les députés divergent sur la provenance des membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, nous revenons sur le décret de loi régissant cette dernière. La Commission Vérité et Réconciliation du Burundi appelle à faire recenser les personnes tuées et les biens spoliés du 16 au 19 mai dans les provinces de Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Bururi, Rumonge, Chankuzo lors des crises psychiques du passé, vous l'entendrez. Et certains députés relèvent de la confusion sur les notions de coopérative et de société coopérative contenues dans le projet de loi régissant les sociétés coopératives. Vous entendrez la réaction du ministre en charge du développement communautaire. La chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi est centrée sur la lutte contre les messages propagés par les religieux. Certains des habitants de la commune Gihogazi en province Karusi affirment avoir déjà entendu de tels discours. Voilà pour le sommaire. François Kimana sur la mise en onde. Au micro, Jean de Dieu Irakoze. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Trois journalistes de la radio-télévision Isanganiro remportent le prix Média pour la paix décerné par la Maison de la presse du Burundi. Du côté télévision, le premier prix revient à Evariste Nzikobanyanga, alors qu'Apollonie Dusabe le décroche à la radio. Ornella Mucho décroche le troisième prix côté radio. La coalition Burundi Bwabose condamne l'emprisonnement des responsables de cette coalition sur la colline Musange dans la commune d'Umakamba. Le secrétaire général de cette coalition, Kefani Bidzi, estime qu'il est injustement incarcéré au moment où il a été arrêté sur fond d'accusation de possession d'insignes de cette coalition des partis politiques. Il plaide en outre pour le rétablissement dans ses droits d'un autre membre de la dite coalition blessée à la machette dans la commune de Nyanzalak. Écoutez ces précisions. Au niveau de la coalition Burundi Bwabose, nous dénonçons les actes de séquestration et d'injustice à double vitesse dont est victime la coalition, notamment dans la province de Burunga, où la semaine passée, un militaire de la coalition a été blessé à la machette par un ennemi Mbonerakure dans la nuit du 2 mai cette année, quand la police est allée appréhender le criminel ce lundi. Ses pères ont fait broc et jusqu'à maintenant, il est toujours libre. Au même moment, hier, un représentant de notre coalition sur la colline Musanga de la commune Makamba a été appréhendé par l'administration colonelle assistée par la jeunesse du parti au pouvoir. Il a été amené mano militari au cachot de la commune Makamba. Au même moment, le représentant de la coalition de la zone Kabuye de la même commune avait été appréhendé de la même façon, mais résumant, il a pu s'échapper. Tous sont victimes de détenir les emblèmes de la coalition Burundi Bwabose aussi et probablement en échange avec les autres. Pour nous, nous disons que détenir l'emblème de la coalition n'est pas une infraction en soi parce qu'il y a même ceux qui se liquident avec les habits des partis politiques et qui ne sont pas inquiétés. Et nous demandons à la justice d'être à la hauteur des crivages politiques, de punir celui qui a blessé notre militant à Nyanzalak et de libérer ces victimes innocentes qui se trouvent dans le cachot de Makamba. Kefani Bizi, le secrétaire général de la coalition Burundi Bwabose. En page justice transitionnelle, les Burundais sont appelés à faire recenser les parentés tués pendant les crises psychiques du passé et les biens du 16 au 19 mai dans les provinces de Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Bururi, Rumonge, Chankuzo. Pierre Claverne d'Aïtchalié, président de la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi, CVR, a lancé cet appel lors de la réunion tenue sur le prochain recensement des personnes disparues et d'autres biens spoliés pendant les crises du passé. Je vous prie de le suivre. C'est une réunion technique, une réunion d'information centrée sur l'organisation d'un recensement des personnes assassinées ou disparues, des personnes qui ont protégé les autres, des personnes qui ont perdu des biens ou dont les biens ont été volés, spoliés pendant les crises cycliques du passé. En mairie de Bujumbura, mais aussi en commune de Mutimbuzi, nous allons conduire ce recensement du 26 mai au 1er juin 2023. 2025. Il s'agit donc de les informer, ces représentants de l'administration à la base, pour qu'ils aillent communiquer l'information à la population. Pour les provinces de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, mais aussi les provinces de Bururi, Rumonge et Changuzo, nous allons conduire ce recensement du 16 mai au 19 mai, avec une précision particulière pour Changuzo, pour Bururi et pour Rumonge, parce que nous y avions déjà conduit la première phase du recensement. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on veut ajouter avec la nouvelle émission de la CVR? Ce recensement pour Bururi, ce recensement pour Changuzo et Rumonge va intégrer les données sur les biens éventuellement spoliés pendant les crises du passé. Mais bien sûr, comme nous parlons du recensement, les familles qui n'auraient pas fait recenser les leurs pendant le premier passage auront une nouvelle opportunité de faire recenser les leurs assassinés durant les crises du passé. Quand nous disons « crise du passé », c'est toute la période de 1885 à 2008. C'était Pierre Claver Ndaïchariye, président de la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi, CVR. Et dans la suite de cette actualité, les 7 membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme proviennent des différentes organisations internationales ou nationales qui s'occupent des droits de l'homme en général, du corps professoral universitaire et des confessions religieuses comme le stipule l'article 7 de la loi de janvier 2011 portant création de cette commission. Le mandat d'un membre de la commission prend fin, notamment lors de l'indisponibilité dûment constatée par le bureau de la commission. Lydie Gahimbade a lu le contenu de cette loi. L'article 7 de cette loi stipule que la Commission nationale indépendante CNIDH est composée de 7 personnalités, dont au moins 3 femmes, comprenant un membre provenant des organisations internationales qui s'occupent des droits de l'homme en général, un membre provenant des associations des droits de la femme, un membre provenant des associations des droits de l'enfant, un membre provenant du corps professoral universitaire, un expert qualifié en matière de droits de l'homme, deux membres en provenance des confessions religieuses et la commission travaille à temps plein. L'article 16 de cette loi stipule que le mandat de membre de la commission prend fin, notamment lors d'un vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvertes après nomination par décret. Lors d'indisponibilité dûment constatée par le bureau de la commission ou absence prolongée ou répétée au regard des conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur de la commission, prend fin également par démission ou décès. Le mandat d'un membre de la commission prend fin également lors d'incapacité physique ou mentale d'un membre constatée par une commission médicale, par défaillance constatée par les deux tiers des membres de la commission après audition de l'intercé, peut être considéré comme une défaillance, tout acte ou tout comportement susceptible de compromettre la mission de la commission. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Certains députés éprouvent de la confusion à propos des notions de coopérative et de société coopérative. Des inquiétudes soulevées à l'Assemblée nationale ce mardi lors de l'analyse du projet de loi régissant les sociétés coopératives au Burundi. Le ministre chargé du développement communautaire qui était l'invité a rassuré qu'une coopérative déjà enregistrée à l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives, ANACOP, devient automatiquement une société coopérative. Le point avec Stella Daishimi. Comme l'ont soulevé certains députés, la dénomination de coopérative et de société coopérative sème une confusion. Dieudonné Hiboneye aimerait connaître s'il y a des coopératives qui vont rester des coopératives et d'autres des sociétés coopératives. À se basant sur cette loi, je vois que ce qu'on appelle coopérative n'est pas autorisé par les lois. Est-ce qu'il y a ce qui sera appelé coopérative et ce qui sera nommé société coopérative? Par là, il faut que vous donniez des éclaircissements car cela cause beaucoup de confusion. En outre, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale veut savoir s'il y a un délai fixé par le gouvernement pour le changement de coopérative en société coopérative. Ce projet de loi que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, nous comprenons bel et bien que ces lois régissent les sociétés coopératives. L'État fixera les normes spécifiques qui montrent les étapes en termes d'état. Par exemple, après une période d'un mois ou une année pour que la coopérative devienne une société coopérative. Pour le ministre Martin Iteletse, tout est clair dans cette loi. Il ajoute qu'il n'y a pas de délai déterminé pour qu'une coopérative devienne une société coopérative. Quand il parle de la société coopérative, il parle tout simplement de la coopérative. Il y a une très grande différence entre ces dénominations. Même ceux qui se mettent ensemble pour mener une activité commune comme l'élevage, et quand ils ne se sont pas encore rendus chez Anaco pour retirer le registre de commerce et le numéro d'identification fiscale, en ce moment, ils ont une coopérative simple. Pour que ce soit une société coopérative, ils doivent abandonner d'informer pour évoluer dans le formel. Ceux qui sont dans une coopérative, ils sont libres. S'ils veulent évoluer et quitter ces coopératives qui n'exigent rien comme document, ils doivent se confier à l'ANACO et cette dernière leur délivre ces documents attestant que leur coopérative devient une société. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par les députés siégeant autour de ce projet de loi régissant les sociétés coopératives au Burundi. Actualité internationale. En actualité internationale, les cardinaux du monde entier ont commencé ce mercredi 7 mai au matin à célébrer dans la basilique Saint-Pierre au Vatican la messe précédant l'ouverture du conclave qui élira le successeur du pape François, a constaté l'agence française de presse. Cette messe est présidée par le doyen du collège cardinalis, l'italien Giovanni Battista Re, a commencé à 10h, 8h en temps universel avant le premier vote de sa 33 cardinaux électeurs à fin d'après-midi. Et en actualité sportive, dans la Ligue européenne des champions de football, le club italien Inter de Milan est entré en finale depuis hier après un match légendaire face au club espagnol Barcelone. Au terme d'une rencontre qui restera dans les annales de la Ligue des champions, l'Inter de Milan a éliminé le FC Barcelone 4-3. Après la prolongation des ans après sa défaite face à Manchester City, l'Inter retrouve la finale de la Ligue des champions de l'UEFA et attend le vainqueur de la rencontre Paris Saint-Germain-Arsenal ce mercredi. Ce sera à 21h. Parle, rassure-moi. La chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi est centrée sur la lutte contre les messages propagés par les religieux. Certains des habitants de la commune Gurugazi en province Karoussi affirment avoir déjà entendu de tels discours. Pour Acher Nionizigie, expert en leadership, de tels messages provenant des leaders spirituels blessent les cœurs de fidèles. Même si un fidèle serait fautif, ces religieux doivent adopter des stratégies de les ramener à l'ordre en respectant sa dignité humaine. La chronique parle, rassure-moi, est signée Mireille Kanyang. Ces habitants de la colline Murago, en commune Gihogazi de la province Karoussi, témoignent avoir entendu de tels messages de la part de certains religieux. J'ai été surpris d'attendre qu'un prêtre ou pasteur et un penchant politique, ils étaient censés de se préoccuper des âmes de la population. Il y a des serviteurs de Dieu qui ressemblent beaucoup plus aux serviteurs des hommes politiques. Raison pour laquelle, quand j'entends quelqu'un avec un langage purement politique, je le considère pas comme un serviteur de Dieu, mais juste un politicien, pur et simple. Ils aiment accuser à tort et à travers que tel ou tel autre est sous l'emprise du diable. C'est regrettable d'entendre un soi-disant évangéliste censé unir les gens en train de les diviser. Asher Nyonizigiye, expert en leadership, trouve que de tels leaders spirituels reflètent des situations vécues. Ça arrive. J'ai déjà entendu des gens, des prédicateurs, des enseignants de la Bible surtout, qui utilisent des mots durs, des mots qui attaquent un groupe de gens ou des individus donnés, qui utilisent la Bible en fait pour dégrader, attaquer la dignité d'autres personnes. Ce sont des phénomènes qui arrivent parce que nous sommes dans une société où malheureusement ce genre de phénomène arrive, et même chez les enseignants de la parole de Dieu ça arrive. Moi je trouve que quelqu'un qui prêche la parole de Dieu devrait faire preuve de beaucoup de sagesse, savoir comment s'adresser aux différentes catégories de personnes sans utiliser des mots dégradants, des mots qui portent atteinte à la dignité des individus. Mais d'un autre côté, je pense que le contexte peut expliquer ça. Ces messages sont ainsi propagés lorsqu'ils veulent satisfaire des visées politiques, d'où ils peuvent blesser leurs fidèles, et cela a des conséquences, dit-il. Ça provoque des conséquences toujours, parce que vous savez, les paroles des dirigeants, ça atteint beaucoup de gens. Et quand ça contient des messages blessants, il y aura certainement des gens qui seront blessés. D'abord, qui seront surpris. Comment est-ce qu'un leader spirituel peut utiliser ce genre de langage? Il y a des gens qui seront choqués. Par ça, d'autres se sentiront visés, peut-être. Ils se diront, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent de moi ou de nous comme ça? Donc c'est comme si eux, ils n'ont pas de place dans le cœur de ce responsable-là. De son côté, Otto Mbazumutima, conseiller communal chargé des questions politiques, qualifie de tels religieux comme n'ayant plus la vocation de guide spirituel. L'expert en leadership appelle ces religieux à aller au-delà du vécu et essayer de ramener des fidèles égarés à l'ordre, à ne pas les blesser, mais plutôt de le faire en respect. La dignité humaine. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.